Et on parle de voitures autonomes avec notre chroniqueur Raymond Poirier ce matin. D'abord, bonjour Raymond. Bonjour. Et oui, justement, en fait, il y a une conférence qui s'en vient jeudi 16 novembre prochain, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy, sur la question des véhicules autonomes. Donc, ça s'intitule Google Car et compagnie. Comment fonctionnent les véhicules autonomes? Et question d'approfondir peut-être un peu ce sujet en amont de l'activité, bien, on a choisi d'inviter le conférencier, qui est également professeur au département d'informatique et génie logiciel à l'Université Laval, Philippe Giguère. Bonjour. Oui, bonjour. Et ben peut-être d'emblée, en fait, si on met justement la table sur la question des véhicules autonomes, et si on creuse un brin, on se rend compte que c'est pas un concept qui est récent, mais qu'en réalité, en fait, c'est une idée qui ne date pas d'hier, qu'on en parlait à tout le moins d'un point de vue mécanique depuis quoi, à peu près 60, 75 ans? Ben effectivement, d'abord, en partant les voitures, ça fait quand même une centaine d'années qu'on les fait. Et la recherche universitaire sur le concept de véhicules autonomes date effectivement des années 40-50. Tous les concepts de cybernétique, un terme qui est quand même assez galvaudé, mais la notion d'automatisme qui est apparue lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, pour les systèmes radars pour la défense antiaérienne, eh bien, suite à la Deuxième Guerre mondiale, les gens sont intéressés justement à faire des systèmes intelligents qui prennent les propres décisions. Puis on avait, bon, des exemples de petites tortues mécaniques qui se déplaçaient pour rechercher de la lumière dans les années 50-60. Et plus tard, la recherche, années 80, on voyait apparaître déjà que les ordinateurs numériques des systèmes pouvant conduire sur les autoroutes. Et j'imagine que pour en arriver à un véhicule plus formel, sortir un peu du petit robot, si on peut dire, ou du petit appareil automatisé, pour en venir vers le véhicule autonome comme on l'entend aujourd'hui, là, il faut plus parler d'un horizon d'il y a 10-15 ans, là, 2004-2007. Ah, effectivement, années 90, on voit apparaître déjà chez les universitaires des projets pour traverser, par exemple, le continent nord-américain d'est en ouest. Et vraiment un point tournant, c'était le DARPA Grand Challenge vers le milieu des années 2000, où l'armée américaine a offert un concours, dans le fond, un prix de $1 million à une équipe qui pouvait traverser un tracé sur un désert d'à peu près une centaine de kilomètres. Et c'est cet événement-là, vraiment, était un événement charnière. D'ailleurs, on le voit, la plupart des équipes qui développent des véhicules autonomes dans les entreprises sont des équipes qui descendent directement des membres des équipes qui ont fait le DARPA Grand Challenge. Donc, c'était vraiment un événement qui a propulsé, qui a démontré que c'était possible, justement, avec un système informatique et des bons capteurs, de faire un véhicule qui se déplaçait sur une trajectoire quand même assez longue. Donc, il y a des véhicules qui ont commencé à ce moment-là à se démarquer par différents éléments, différents systèmes qui ont réussi à intégrer à l'intérieur de l'appareil. Oui, absolument. Surtout l'arrivée aussi... Il est l'arrivée du LIDAR, donc cet appareil qui permet de prendre des mesures précises au millimètre avec un rayon laser. Et l'arrivée du LIDAR a vraiment ouvert l'horizon aux gens qui font des véhicules autonomes pour être capables d'avoir de la bonne information tridimensionnelle. C'est un gros défi. Le défi de la perception pour les véhicules autonomes, c'est vraiment, à mon avis, le défi le plus important. Donc avec un système LIDAR, maintenant, on est capable de percevoir l'environnement en trois dimensions. Et cette perception tridimensionnelle, ben, ça permet de grandement faciliter la détection d'obstacles, par exemple, ou aussi bon, de se localiser, surtout sur une carte 3D de l'environnement, parce qu'on connaît la position précise des édifices dans la ville. Donc, l'arrivée aussi des capteurs permet cette explosion-là de capacité au niveau des véhicules autonomes. En fait, quand on ouvre la porte, par exemple, à des systèmes de capteurs et d'autres éléments, c'est là aussi qu'on ouvre la porte, j'imagine, aux notions d'intelligence artificielle, donc que l'automobile soit en mesure d'avoir assez d'informations pour conduire, mais soit en mesure de comprendre l'information qu'elle détecte aussi pour être en mesure d'orienter sa conduite. Absolument. C'est d'ailleurs la fameuse triptyque au niveau de la commande. Vous avez les actionnaires, donc la voiture, vous avez les capteurs qui font la partie perception, et vous avez la partie intelligence qui prend justement la décision à partir des mesures des capteurs pour envoyer des commandes aux actionnaires, donc aux différents moteurs. Et on le voit, on en entend parler beaucoup ces temps-ci avec ce qui se passe à Montréal avec l'intelligence artificielle, mais il y a de très grandes percées qui se font en ce moment en intelligence artificielle, qui ont commencé, disons, il y a peut-être une dizaine d'années. Et naturellement, tous les systèmes de véhicules autonomes bénéficient de ces récentes découvertes en intelligence artificielle. Oui, parce que j'imagine ne serait-ce que de comprendre une image pour la machine, c'est pas évident, c'est pas quelque chose d'acquis. Ah, absolument pas. Et non seulement de comprendre les images, mais de comprendre les signaux radar, de comprendre les signaux lidar, donc tout ça, de faire la fusion d'informations, c'est pas évident. Mais ce qui change aussi un peu la donne en ce moment, c'est le fait qu'on est capable de collecter des grandes quantités de données. S'il y a des propriétaires de véhicules Tesla qui vous écoutent en ce moment, ben pendant de nombreuses années, Tesla, discrètement, avait déjà tous les capteurs dans leur véhicule pour faire des véhicules, disons, autonomes. Et ils ont pris des photos et des signaux sans que les conducteurs ne le sachent. Et cette information-là est envoyée à la maison mère et pour analyser, dans le fond, pour développer des algorithmes qui permettent de faire de la conduite autonome. Donc, l'accès à des grandes quantités de données est aussi un peu, si vous voulez, un game changer pour le développement de ces méthodes-là de perception, d'être capable de distinguer les vélos, des voitures et de la route à partir d'images d'une caméra. Donc, d'une certaine manière, Philippe Giguère, ce qu'on dit, c'est que pour apprendre, pour comprendre, dans le fond, les images, ben, la machine doit en voir une quantité phénoménale. Absolument. Mais d'ailleurs, on peut souvent faire des parallèles avec les humains. Un enfant, les 5-10 premières années de sa vie, ça passe beaucoup, beaucoup de son énergie à apprendre. Et imaginez la quantité d'informations qu'un enfant perçoit, touche, sent et ressent. Et disons qu'on avait un peu, sans dire qu'on était, on avait une certaine vanité au niveau de la recherche, mais il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, on espérait faire des systèmes intelligents à partir de bases de données qui étaient très, très, très, très réduites. Alors que ce qu'on se rend compte beaucoup aujourd'hui, maintenant, c'est l'algorithme est important, oui, mais c'est la quantité massive de données qui permet de faire justement un bon, de s'assurer qu'on couvre presque tous les cas possibles pour le développement de ces systèmes intelligents-là. Et puis j'imagine que le défi, c'est justement de rien laisser au hasard, parce que d'un côté, il y a des éléments peut-être plus faciles à présenter si on montre des milliers d'images d'automobiles. Oui, c'est varié, mais ça reste définissable. Mais quand on tombe dans des éléments peut-être un peu moins clairs, comme par exemple le ciel, mais comment distinguer le vide bleu d'un vide blanc qui pourrait être celui, par exemple, d'un camion ou d'un édifice? Oui, effectivement, il y aura toujours ce problème-là. Il y aura toujours des, j'aime l'expression anglaise, des black swans, des signes noirs. Donc, c'est impossible. Autrement dit, une quantité infinie d'événements peu probables. Et c'est très difficile de faire des systèmes informatiques qui vont être capables de justement tenir compte de ces événements peu probables. C'est d'ailleurs une des forces des humains. Si on est capable de rapidement, même si un événement est fort peu probable, on est capable souvent d'inférer les choses assez rapidement. Alors que souvent, les systèmes informatiques, ben, si on lui a pas montré quelques cas qui ressemblent à ça, ben, le système est un peu, disons, indécis par rapport à quoi faire. Ceci étant dit, je pense quand même que malgré le fait que les systèmes informatiques vont toujours avoir des petites faiblesses au niveau de ces cas qui sont relativement difficiles à traiter, dans l'ensemble, si on regarde des accidents chez les humains, c'est des accidents qui sont dus au fait que ben on fait une distraction, on prend notre cellulaire puis on prend un message, par exemple. Mais ce genre d'accident-là ne va pas arriver avec un système autonome. Par contre, le système autonome, lui, sa faiblesse, ça va être des éléments extrêmement rares, comme par exemple bon, le camion blanc qui passe devant un nuage blanc avec un ciel blanc, ainsi de suite. Donc, ces cas-là, très, très rares, le système informatique va avoir de la misère à traiter. Mais pour les autres cas, comme je vous dis, les erreurs de distraction des humains, c'est là vraiment que la force des systèmes autonomes, je pense qu'elle est la plus grande. Mais Philippe, il y a cette question là de calcul des marques qu'on retrouve sur la chaussée qui sont très importantes pour la conduite autonome. Est-ce que la question de l'hiver là, qui recouvre les chaussées au Québec, est-ce que ça risque de causer des problèmes? Ça risque de causer des problèmes. C'est d'ailleurs là, quand on, en assistant en conférence, on rencontre souvent les gens, par exemple, de Google, et la question de l'hiver arrive souvent, et la réponse des gens qui développaient la voiture autonome chez Google, c'était, ben, on va commencer par le climat de la Californie, après ça, on s'attaquera à l'hiver. Ça reste un défi, mais par contre, je vous dirais, si vous avez une carte, par exemple, 3D d'une ville, et vous avez un bon système lidar, ben, vous êtes quand même capable de vous localiser par rapport à ces édifices-là. Bon, il ne faudra pas qu'il y ait des bourrées de neige qui dépassent 10 mètres, ce serait quand même assez improbable. Donc, il reste les édifices qu'on peut utiliser. Par contre, c'est sûr que sur une conduite sur autoroute, si vous avez une rafale de vent qui couvre la route de neige, même les humains, de toute façon, on le voit, dès qu'il y a des tempêtes de neige en espace ouvert, on a un coup de vent et voilà, les gens se ramassent à l'extérieur de la route parce que c'est trop difficile, il manque de perception. Donc, c'est encore un défi. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous intéresse, nous, à l'Université Laval, de voir qu'est-ce qu'on peut faire en hiver avec des véhicules autonomes. C'est une question qui va être importante pour je pense, le Canada et le Québec. Oui, en fait, c'est déjà un peu, par exemple, juste de faire déplacer, parce que je pense que c'est un des objets de vos recherches, Philippe Giguère, de faire déplacer un robot sur un terrain qui est non régulier, qui doit détecter, comprendre son environnement, s'adapter. Déjà, en soi, c'est un défi. Donc, au niveau du sol et de déplacement forestier, par exemple. Oui, effectivement, on a des travaux qui montrent que c'est possible de se déplacer avec un lidar, par exemple, vous mentionnez, en forêt, donc des endroits qui ne sont pas des terrains qu'on est structurés. On s'intéresse aussi, quand je parlais de collecte de données, Très prochainement, on va avoir un projet où on va faire circuler de l'équipement dans la ville de Québec de façon régulière pour récupérer de l'information de jour, de soir, de nuit, été, automne, hiver, pour être capable de, justement, ramasser ces données-là pour voir bon comment ces capteurs-là fonctionnent dans les différentes conditions météo. Donc, c'est un projet qui devrait débuter d'à peu près 6 à 8 mois. Donc, toujours dans l'optique, justement, d'aller chercher plus de données pour avoir plus d'éléments à transmettre à la machine, pour ensuite permettre à la machine d'apprendre par elle-même en fonction des algorithmes que vous allez avoir implantés, dans le fond. Absolument. Donc, l'idée, c'est plus on est capable de couvrir les cas existants, ben, meilleure sera la décision qui sera prise par la machine. Et vous parlez de Google tantôt, en fait, j'ai l'impression quand on regarde justement l'actualité à ce moment-ci autour des automobiles autonomes, et c'est pas pour rien que vous avez appelé la conférence Google Car et compagnie, c'est celui qui ressort le plus. J'imagine que c'est parce que c'est celui qui est le plus avancé, celui qui a le plus d'essais routiers à son actif. C'est effectivement une des équipes les plus avancées. Ils ont commencé, donc, je pense, autour de 2007, et c'est eux qui ont récupéré essentiellement les deux meilleures équipes du DARPA Grand Challenge. Ils ont récupéré les gens qui géraient ces équipes-là. Ils ont fondé l'entreprise. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, qu'est-ce que ça prend pour faire un véhicule autonome? Bon, ça prend beaucoup de données. Il faut être capable de stocker les données. Il faut être capable de les traiter. Et aussi, ça s'appuie beaucoup sur le concept d'avoir des cartes intelligentes. Et si vous regardez ce que Google a fait dans les dernières années, ben ils ont fait Google Street View, qui récupère une carte 3D de l'environnement avec des signaux GPS et des images. Ils ont des quantités phénoménales de serveurs pour analyser les données. Et au niveau de l'intelligence artificielle, ils ont fait des recrutements assez importants au niveau des équipes universitaires. On parle de Jeff Hinton, par exemple, à l'Université de Toronto, qui est un des maîtres à penser des réseaux neurones profonds qui sont utilisés de plus en plus en intelligence artificielle. Et ils ont récupéré l'équipe de DeepMind qui ont fait AlphaGo pour battre les meilleurs joueurs de Go au monde. Donc, ils ont vraiment, au fil des années, acquis tous les actifs qui permettent d'appuyer des recherches vers les véhicules autonomes. Et donc, ce qui fait qu'en regardant un peu ces avancées-là, en voyant les autres avancées qui sont faites en recherche, on peut dire presque dans une dizaine d'années, le véhicule autonome va devenir une réalité. Ce sera plus simplement une discussion en expérimentation. Ça va être une expérimentation réalisée, si on peut dire. Ça pourrait l'être presque, je vous dirais, aujourd'hui. On le voit tranquillement, des navettes autonomes dans certaines villes, Los Angeles, même je pense à Québec, bientôt on va peut-être en avoir, Montréal, des démonstrations de navettes. Ça s'en vient très, très vite. C'est sûr que le cadre légal est, la partie la plus incertaine. Aussi, bon, l'acceptation sociale de ces véhicules-là, la question du climat. Mais il n'est vraiment pas fou de penser que dans 10 ans, on va les voir apparaître, à tout le moins sur des endroits qui sont des circuits fermés. Les mines, par exemple, beaucoup de mines en ce moment utilisent des véhicules autonomes pour le transport du minerai. C'est un milieu où les gens ordinaires n'ont pas accès, donc l'entreprise peut se permettre d'assumer elle-même le risque des accidents qui sont dus aux véhicules autonomes. Mais 10 ans, je vous dirais, 10 ans, c'est pas un horizon qui est trop fou à penser. Et face à tout ça, qu'est-ce qui fait justement peut-être l'importance de développer le véhicule autonome d'un point de vue social? Est-ce que c'est rattaché, par exemple, au coût lié au transport individuel? Est-ce que c'est par souci de démocratiser l'accès aux routes? Donc, pourquoi, en fait, il y a une importance, si on peut dire, à mener à terme ces recherches-là? Je vous dirais, bon, moi, je suis pas un gros fan de l'automobile. Je me suis fait voler ma voiture en 2004. Je l'ai jamais remplacée. Donc, ça fait presque 13 ans maintenant qu'on vit sans voiture. La voiture a un coût énorme au niveau sociétal. On parle de 1,2 million de morts par année au niveau du monde. Donc, c'est beaucoup de gens qui meurent. Si aujourd'hui, vous iriez devant des instances gouvernementales pour dire « je vais fabriquer une machine-outil qui va tuer 1,2 million de personnes par année », je vous dirais que ce ne serait pas très accepté. Aussi, d'un point de vue plus personnel, les gens perdent une quantité folle de temps, presque une semaine de travail par année, à attendre dans les bouchons de circulation. On pense aussi à la quantité d'espace qu'on utilise pour les stationnements. Donc, au niveau de la société, il y a beaucoup d'impact sur la voiture, en plus de la pollution. Mais aussi, on peut penser aux personnes qui ne sont pas aptes à se déplacer eux-mêmes. Donc, si on leur permet d'avoir des flottes de véhicules autonomes, une personne aveugle ou en perte d'autonomie, ou une personne âgée qui vient de se faire retirer son permis, ben, dans le fond, on pourrait commander un taxi autonome un peu comme Uber. Et récupérer une certaine liberté qu'elle a perdue au niveau de ses déplacements en ville. Et jeudi, à la conférence qui va être présentée à la bibliothèque Gabriel Leroy, ça va être un survol de tous ces éléments-là, puis une opportunité justement pour les gens d'aller échanger avec vous et de bien comprendre comment ça fonctionne finalement tout ça, les véhicules autonomes. Absolument, on va voir un peu donc le type de technologie qui est impliqué dans ces véhicules-là. Et surtout de donner la chance d'échanger, de prendre des questions, de répondre aux questions aux gens, les interrogations qu'ils peuvent avoir sur cette technologie qui, quand même, je pense, va bouleverser notre société presque autant qu'Internet. Alors, en fait, on lance l'invitation. Donc, je le rappelle, c'est ce jeudi 16 novembre, c'est à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. La conférence est gratuite, elle est ouverte à tous. Ça s'appelle Google Car et compagnie, comment fonctionnent les véhicules autonomes. Et elle est offerte par donc le conférencier qui est avec nous ce matin, professeur au département d'informatique et de génie logiciel, Philippe Giguère, donc de l'Université Laval. Merci beaucoup et à jeudi. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Raymond.